chansons d'amour avec des mots et de la zizik. Ça prime de je t'aime à toujours avec des accents pathétiques. Tu fais gna gna gna. Gna gna gna gna gna. Tu dis la vie d'une dame pipi qui doit épouser un banquier. Finalement, elle renonce à lui au nom de l'amour et de l'amitié. Gentil même sans pas bête. Faut que tu t'accroches à ton stylo. Voilà déjà que tu perds la tête. Tu fais gna gna gna. Gna gna gna gna gna. Tu es fille trop sage pour nous faire pleurer. Raconte des histoires qui nous font planer. Ne joue plus cette musique qui donne à penser. Agite-toi la grippe pour nous faire bouger. Oh! Un gigolo, il veut piquer l'argent braguette. La dame pipi là dans la peau. Tu voudrais tant que le temps s'arrête. Tu fais gna gna gna. Gna gna gna gna gna. Un crème garçon fait-il au bar en se précipitant vers les chiottes. Elle ferme les yeux pour un traquenard. Il glisse une main dans sa culotte. Avec une bombe pour les moustiques, tout va changer, c'était...